demain sera mieux qu'hier. J'ai même pas l'heure qu'il est, qu'il est tous mes prières. Demain sera mieux qu'hier. Après la guerre, j'ai une petite faim. Faut que je leur apprenne comment faire. Niquer des mères, c'est mon quotidien. Je dois laisser zéro commentaire. Regarde-moi bien, je le regarde de mon père. Dans le bloc, c'est la drogue qu'on opère. Un gis acheté, un gis offert. Un voleur en vue, un crâne ouvert, je te jure. À deux doigts de tomber, je trébuche. J'ai marqué, je fais sauter les tribunes. Je suis avec les mêmes depuis le début. Et on reste solidaires comme une tribu. On m'a dit que les vrais bonhommes se font rares. J'ai répondu que les couilles ne se vendaient pas. J'ai pris du retard sur le départ. À l'arrivée, ils m'ont paru bizarre. Mon poteau, t'en fais pas. Je les allume et je les éteins. Si je suis pas là et tu sens le pépin, au pire des cabas, tu sors le peupon. Non, je veux pas de réponse. Pose-leur aucune question. Je vais bien m'occuper de vous. Je veux juste le dernier. Tu sais frère, je me dis demain sera mieux qu'hier. Je me levais tôt, je ferme le terrain, j'ai même pas l'heure qu'il est. De moi-même, je fais en sorte que le bon Dieu exauce mes prières. Je garde la flèche, je suis tranquille, je me dis demain sera mieux qu'hier. Est-ce que t'as senti la patate? Les souvenirs dans ma tête, c'est la pagaille. J'ai déjà comment faire, comment t'abattre. Je sais que la poudre ne s'en va pas au lavage. Trop violent comme mon chakra se propage. On a passé l'âge de viser les jambes. On n'est pas du genre à prendre en otage. Mais je les connais ceux, tu vois en légende. Je dis pas bonjour, bah ouais, c'est évident. C'est un embrouille d'un mort comme le président. Dans la putain, même pas les dents. Ils vont rien faire du tout, ils sont pas méchants. C'est pas trop l'agité quand t'es devant les gens. C'est le genre de mec dangereux que dans l'écran. C'est aussi celui qu'on jettera dans les temps. Je suis toujours dans les temps, ok, on est bon. Bye. Mon poteau t'en fais pas, je les allume et je les éteins. Si je suis pas là et tu sens le pépin, au pire des cabas tu sors le peupon. Non, je veux pas de réponse, pose-leur aucune question. Je vais bien m'occuper de vous, je veux juste le dernier. Je me dis demain sera mieux qu'hier. Je me levais tôt, je ferme le terrain. J'sais même pas l'heure qu'il est. De moi-même, je fais en sorte que le bon Dieu exauce mes prières. J'garde la peur, j'ai tranquille. Je me dis demain sera mieux qu'hier.